Des marquis de Jonker avec notre collaborateur Dominique Bodjic. Il y avait ce match des marquis en fin de semaine. Salut Dominique. Oui, Salut Alex. Dominique, t'as de l'air essoufflé, t'as-tu joué au hockey comment? Ouais, mais j'arrive de jouer au hockey là, pour faire un petit peu souffler, mais quand même. Hey Dominique, parle-moi maintenant de cette belle victoire de 4-3 des Marquis qui a eu lieu samedi dernier. Oui, Ah, vendredi soir ok, plutôt, du ok. côté de Saint-Mario-Gasselin de Tête-Femmes. Une belle victoire de 4-3. Les Marquis qui étaient attendus de pied ferme. On avait annoncé du côté de l'assurantia en uniforme Donald Brashear également, Joël Thériault. Ouais. Du côté des Marquis, on n'avait pas grand-chose à répliquer durant la semaine, mais bon, on a procédé à une transaction de dernière minute. Les Marquis qui ont vraiment bien fait, en sortant en force, ont pris les devants rapidement dans le match, puis ont jamais regardé derrière, là, ont pris les devants jusqu'à 3-1, et même 4-2, puis finalement, ils ont emporté 4-3. Là, donc, un beau match là qui ressemblait vraiment à un match de série devant plusieurs personnes rassemblées. Brashear dans la Ligue nord-américaine, comment il se comporte? Brashear, joue simplement pour jouer. Okay. Il a tenté de brasser un petit peu, mais là, on voit que le calibre est tellement rendu fort en troisième période, à un moment donné, là. Pas dire qu'il avait pas un peu l'air fou sur la date, là, mais il y a eu un petit peu de misère à suivre, là. Donc, le calibre est tellement rendu vite, là, qu'il y avait un petit peu de difficulté, là, à suivre okay. le jeu. Les Marquis qui ont procédé à une transaction. Oui, exactement. Étant donné que la dernière acquisition, Francis Lessard de Cornwall, bon, Lessard avait annoncé qu'il ne voulait pas jouer avec les Marquis. Ça a permis de le transiger du côté de Trois-Rivières en retour d'Hubert Poulin, de François Godin, un défenseur de 22 ans qui a joué quelques matchs cette année à Trois-Rivières, et d'un choix de troisième ronde et également des considérations futures, un joueur qui va être nommé au courant de l'été. C'est un joueur qui joue du côté de l'Europe. OK. C'est demain la date limite de transaction dans la Ligue nord-américaine, si je ne m'abuse. Oui, exactement, demain soir à 20h. Donc, c'est là qu'on va voir si les Marquis vont bouger à nouveau. Je ne sais pas s'il y a d'autres transactions dans l'air. Je sais que ça a déjà bougé dans les dernières semaines. Reste à voir s'il va y avoir d'autres changements de joueurs. Je pense pas que ça va être beaucoup agité, là. Ça va rester tranquille, là. Les équipes qui ont l'air quand même satisfaites, là, de leur formation. Peut-être des signatures de joueurs autonomes plus que des transactions, mais je pense pas que ça va bouger. OK. Beaucoup. Hey, dis-moi, avec l'article de Dave Hensley qui est sorti dans le quotidien d'hier, pas quasiment, concernant le réaménagement possible, les rénovations au Centre Georges Vézina, ce qui va arriver, c'est que le Palais des Sports, les Seigneurs iraient jouer au Palais des Sports. On sait que les Marquis jouent là. Est-ce que tu penses que ça va faire un bon ménage, les Marquis et les Seigneurs? Si c'est pour arriver, je pense que oui, parce que présentement, lorsqu'on prépare le calendrier des Marquis, on s'arrange pour pas jouer en même temps que les Saguenayens. Okay. Cette année, ça arrive seulement une fois. Donc, pour ce qui est du calendrier, c'est pas vraiment un problème. Ce qui risque de causer problème, c'est le partage des concessions, c'est-à-dire la vente de bière, la vente dans les restaurants. On sait qu'actuellement, les Marquis sont commandités par Molson. Du côté des Sags, c'est Budweiser. Donc là, il y a un petit problème de boissons de ce côté-là, qu'on soit capable de partager les deux. Il y a également les publicités sur les bancs, ouais. Les publicités un peu partout dans le Palais des Sports. Il va falloir partager ça. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On n'est pas rendu à ce point-là, mais si on est pour faire le projet, ben il va falloir considérer toutes ces choses-là. Effectivement. Donc, c'est quoi? On pourrait... Parce que je sais que c'est placardé au Palais des Sports pour les Marquis. Est-ce que c'est quoi? J'imagine oui. que là, si les Saguenayens s'en viennent, j'imagine qu'il va y avoir des négociations entre les deux organisations pour savoir qui comment ça va fonctionner, là. C'est une question, une logistique? Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il va y avoir des négociations, évidemment. En ce moment, le Palais des Sports, tout ce qui est dans le Palais des Sports. Ça appartient au Marquis. Publicité, vente de bière, vente de restaurant, ça appartient au Marquis. Si pour les Seigneurs sont pour arriver là, il va y avoir une négociation. Puis est-ce qu'il va y avoir un partage 50-50, je ne sais pas, mais selon les matchs, mais il va falloir un accord si c'est okay. pour arriver. Est-ce que le Palais des Sports, il est pris à. Est-ce que c'est 100% d'occupation? Pas vraiment, non. Ben oui, il est souvent occupé. Okay. Mais je pense qu'il y aurait moyen de trouver une concession. Puis de maintenant, avec le pavillon de Kenegami qui est fraîchement rénové, pour l'utiliser plus souvent. Donc, ça permettrait de faire les matchs des Saguenayens, genre, par exemple, le samedi après-midi, dimanche après-midi, et les matchs des Marquis les vendredis, samedi soir. Donc, il n'y aurait pas confusion entre ça. C'est seulement les pratiques. Probablement que les pratiques, ça serait du côté de Chicoutimi à l'aréna de Lucac et les matchs là au Palais. Merci beaucoup, Dominique. On s'en reparle. C'est...